What you gonna do sur Réunion Première. Il est 10h, le journal de France Info. Et l'info, à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Les gardiens de prison sont à bout entre les agressions, les mutineries et les problèmes de surpopulation. Ils sont allés le dire au ministre de la Justice, sans effet pour le moment. Le maire de Belfort, toujours pas rassuré sur l'avenir d'Alstom dans sa ville, il veut du concret et non des paroles. Hillary Clinton a repris du poil de la bête. Elle reproche à son tour à Donald Trump de ne pas dévoiler son bulletin de santé et sa déclaration de revenus. C'est reparti pour la Ligue des champions de football. Premier match du PSG ce soir contre Arsenal, ce sera sans Ben Arfa. On vous dira pourquoi il n'a pas été retenu. France Info. Et on commence donc, Mathilde, avec le calme qui est revenu tard hier soir à la prison de Vivonne, c'est près de Poitiers. Oui, après une mutinerie qui a duré 6 heures, des détenus avaient réussi à voler le trousseau de clé d'un surveillant. Ils avaient ouvert des cellules et déclenché un incendie. Des gendarmes spécialisés venus de Bordeaux et de Rennes sont intervenus pour mettre fin à cette émeute. Deux prisonniers ont été placés en garde à vue. Au même moment, les syndicats pénitentiaires étaient reçus par le ministre de la Justice. Les surveillants se plaignent de leurs conditions de travail. La liste de leurs revendications est longue comme le bras. Mais Jean-Jacques Urvoas leur a demandé de patienter un peu. Jérémy Marillier. Le garde des Sceaux avait promis des mesures immédiates. Eh bien, il faudra attendre au moins le mois d'octobre pour en savoir plus. Voilà la réponse que les syndicats ont obtenue. Et c'est insuffisant pour Stéphane Trouille, l'un de ses délégués syndicaux pénitentiaires. Selon lui, la situation, notamment dans les 5 unités dédiées aux détenus radicalisés, est bien trop grave aujourd'hui pour attendre. Les collègues sont exaspérés, sont complètement démotivés, sont très inquiets, ont peur pour certains d'entre eux. Ils n'ont plus envie du tout de venir travailler dans ces unités dédiées. D'ailleurs, il n'y a plus de volontariat. On impose aux collègues qui sont disponibles de venir travailler dans ces unités et qui, pour certains d'entre eux, n'ont reçu aucune formation comme cela était prévu par la doctrine d'emploi. Alors, ces unités dédiées, le ministère de la Justice ne compte pas les fermer. Les syndicats ont tenté de prouver par A plus B hier soir que, d'après eux, ça ne marche pas. Emmanuel Gautrin, le secrétaire général de FO Pénitentiaire. Vous avez eu un exemple à Osny, une surpopulation carcérale de près de 200%, où on met en place une unité dédiée. C'est complètement ubuex. Le ministre de la Justice doit prendre ses responsabilités et arrêter le massacre. Et si jamais le message n'est pas passé auprès du garde des Sceaux, les syndicats promettent de lui ouvrir les yeux dans les semaines à venir, de mettre en place des actions. Des syndicats pénitentiaires qui vont continuer de se réunir dans les prochains jours. Inès, Sarah et Amel, ces trois femmes soupçonnées d'avoir voulu commettre un attentat en France, ont été mises en examen hier soir. Elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes. Elles avaient été arrêtées jeudi dernier à Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne. Le compagnon de l'une de ces trois femmes a également été mis en examen pour non-dénonciation d'un crime terroriste. Quant au mineur de 15 ans interpellé samedi à Paris, il est lui aussi poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes, mais il n'y a aucun lien avec le commando des trois femmes. Une adolescente de 15 ans entre la vie et la mort après avoir été agressée hier dans son lycée à Glaizé près de Villefranche-sur-Saône. Un élève l'a frappée dans le dos avec un couteau au moment de la sortie des cours. On ne sait pas encore pourquoi l'agresseur est en garde à vue, mais le procureur indique qu'il écarte la piste terroriste. Les réunions, les rencontres, les concertations se multiplient dans le dossier Alstom. Les syndicats ont rendez-vous cet après-midi avec Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie. Quant aux élus locaux de Belfort, ils ont un entretien prévu avec le PDG d'Alstom. L'État, on le sait, veut pousser le constructeur ferroviaire à garder son usine de production historique. Mais le maire de Belfort, Damien Meslot, veut plus que des intentions. Les paroles sont bonnes, mais nous attendons du concret. Parce qu'il y a un peu plus d'un an, Emmanuel Macron nous avait promis la pérennité du site. On sait ce qu'il est advenu. Donc nous, pour le moment, nous attendons du concret. Et du concret, il n'y en a pas encore. Le ministre nous a dit que le PDG de la SNCF devait être reçu par M. Vidalis. Donc nous attendons cette réunion, nous attendons des commandes publiques. Nous ne sommes pas naïfs, nous voulons qu'on nous dise quelles commandes vont être passées. Pour nous, il faut le maintien d'un site de production à Belfort. Et pour le moment, nous n'avons pas d'éléments concrets suffisants pour nous rassurer totalement. Voilà, et on va en reparler notamment avec un élu, avec Cédric Perrin, qui est sénateur Les Républicains du territoire de Belfort et qui doit rencontrer le PDG d'Alstom aujourd'hui comme d'autres. France Info, 8h05, depuis l'annonce de sa pneumonie, Hillary Clinton fait tout pour rassurer sur son état de santé. D'abord son porte-parole, qui juge nécessaire de souligner qu'elle n'a pas d'autres problèmes médicaux. Ensuite un tweet de la candidate elle-même pour dire « je me sens bien ». Et enfin, troisième temps de cette communication bien rodée, Frédéric Carbone, c'est une interview accordée à CNN. C'est un peu le coup de téléphone que l'on passe en fin de journée pour rassurer la famille. Oh, thank you, Anderson. I'm feeling so much better. Hillary Clinton remercie donc le journaliste de CNN de prendre de ses nouvelles et se félicite de se sentir tellement mieux. Opération dédramatisation, j'aurais simplement dû suivre les conseils de mon médecin et me reposer plus tôt, dit la candidate. Et non, elle n'a pas perdu connaissance lors de son malaise pendant la commémoration du 11 septembre. I felt dizzy. J'ai eu un vertige et j'ai perdu l'équilibre pendant une minute, mais dès que j'ai été dans la voiture, que j'ai pu m'asseoir et boire, je me suis tout de suite senti mieux. Hillary Clinton veut aussi faire savoir qu'elle a tiré les leçons de cet épisode sur la sagesse de savoir s'épargner et aussi sur la transparence médicale. Elle promet donc de rendre public très vite un bulletin de santé complet et elle renvoie la balle dans l'autre camp. Comparez tout ce que vous savez de moi et ce que vous savez de mon opposant. Hillary Clinton suggère de s'intéresser à la santé, mais aussi aux déclarations d'impôts et aux affaires de Donald Trump. Bref, une candidate en campagne au téléphone. Quant au retour sur le terrain, elle promet que c'est pour bientôt, mais demain à Las Vegas, c'est Bill Clinton qui sera à la tribune. Washington. Frédéric Carbone, France Info. Une trêve est entrée en vigueur hier soir en Syrie. Elle est pour le moment respectée, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Premier gros test de la saison pour le PSG ce soir. C'est une nouvelle campagne de Ligue des Champions qui débute. Paris reçoit Arsenal. Les Anglais sont le principal rival des Parisiens dans cette phase de poule. Et ce match se jouera sans Hatem Ben Arfa, qui n'a pas été retenu par l'entraîneur parisien Bruno Salomon. Et c'est un choix fort d'Unai Emery qui a bien sûr surpris, car Hatem Ben Arfa s'est entraîné normalement hier après-midi avec ses coéquipiers. Il a découvert seulement après cette séance qu'il n'était pas retenu. Selon son clan, Hatem Ben Arfa goûte très peu cette mise à l'écart de la part d'Unai Emery, le nouvel entraîneur qui semble déjà à bout de patience avec un garçon qui certes s'est très bien intégré dans la vie du groupe du PSG, mais qui aux yeux d'Emery ne fait pas assez d'efforts aux entraînements mais aussi en termes d'assimilation tactique. Lui qui a été soliste à Nice est prié de jouer pour le collectif avec Paris. Par trois fois, par voie de presse, la semaine dernière, l'entraîneur parisien a fait passer le message suivant à Ben Arfa. Travailler plus pour jouer plus. Contre Saint-Etienne, il a eu sa chance, mais sans être médiocre, Ben Arfa n'a pas fait la différence. Et voilà privé donc de ce qu'il était venu chercher à Paris, jouer la Ligue des Champions. Reste à connaître désormais sa réaction sportive. Soit il se vexe et devient enfin fort et décisif, soit il sombre et là il pose un énorme problème au PSG dès l'entame de la saison. Un coup d'envoi de ce match à 20h45 au Parc des Princes. Allez, une bonne nouvelle maintenant pour les Anglais tête en l'air qui oublient de vider leur poche avant de faire la lessive. Un nouveau billet qui résiste à l'eau est mis en circulation aujourd'hui. Il est à l'effigie de Churchill et il est en plastique, Fiona Mogadam. C'est une première pour l'Angleterre. Ce nouveau billet de 5 livres est en polymère, une matière plastique flexible qui a l'avantage d'être plus propre, plus sécurisé et plus solide selon la Banque d'Angleterre. Fini les billets déchirés ou tout collés en sortant de la machine à laver. Le nouveau Fiver, comme disent les Anglais, est plus résistant, avec une durée de vie plus de deux fois supérieure à celui en papier. Et surtout, il est plus difficile à contrefaire. Ce type de billet existe déjà en Australie ou encore en Roumanie. Il existait aussi au Nigeria, où on a préféré revenir au traditionnel papier. Pour la Banque de France, le problème du plastique, c'est la tenue de l'encre. Elle s'imprègne moins bien que sur du papier et le coût de fabrication est deux fois plus élevé. Qu'importe pour les Anglais. La nouvelle coupure résiste aussi aux cendres de cigares. C'était bien la moindre des choses pour Churchill. Fiona Mogadam. Merci beaucoup, Mathilde Munoz. Il est 10h09 sur la première. Bonjour à tous. Un coup d'œil sur la météo. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. C'est un ciel qui reste nuageux au sud. Depuis ce matin, le temps est ainsi de Saint-Pierre à Sainte-Suzanne et partout ailleurs, ce sont les éclaircies qui l'emportent. Dans l'après-midi, il fera gris dans les hauts de l'ouest. Un mot sur les coulées de lave. Elles sont toujours visibles depuis le pas de Bellecombe. En ce qui concerne les températures affichées pour ce mardi 13 septembre, 15 au volcan, 25 degrés à Saint-Denis. Entre 23 et 26 degrés sur le littoral. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Hier, dans la première, pour le prix des honnêtes, il fallait trouver le 11, le 14, le 5, le 12, hélas. 11, 14, 5, 12, hélas. Aujourd'hui, sur l'hippodrome de Toulouse, dans la troisième, pour le prix de la Fédération Sud-Ouest et pour 5 100 000 euros, les pronostics de Pascal Maillot, le 3, l'As, le 2, le 10, 12, 13, le 8, le 9 et le non partant, le 4. 3, As, 2, 10, 12, 13, 8, 9, non partant, le 4. Vous avez des droits et des devoirs et parfois vous avez besoin de conseils pour les faire valoir. Alors chaque jour, nous recevons dans ce studio une équipe d'experts pour vous aider à y voir plus clair. Et pour ce mardi matin, nous allons nous concentrer sur vos droits d'allocataire. Les experts de la Caisse d'allocation familiale sont avec nous jusqu'à 11h30. Au menu de l'émission de service, l'allocation de soutien familial appelée ASF et les garanties contre les impayés de pensions alimentaires. Et l'objectif est clair. C'est de mieux aider les parents quand la pension alimentaire est faible ou quand l'autre parent ne paie plus la pension alimentaire. Donc il y a des répercussions forcément dans le foyer familial, la loi est là pour vous protéger, mais encore faut-il le savoir. C'est le but de l'émission, à nous de vous aider. Merci de composer le 02 62 99 2000. Autre moyen de nous joindre pour réagir, les textos au 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Bien bonne, il y a des bons sopirs au Guyane. Il va finir. Pour en savoir plus sur les garanties contre les impayés de pensions alimentaires, comment faire valoir vos droits, que dit la loi et puis que propose la caisse d'allocation familiale. On en parle sur la première jusqu'à 11h30. Les questions au standard 02 62 99 2000. Samedi et dimanche, de midi à 14h. Tous en première le week-end. Avec Beverly. Votre rendez-vous d'information consacré à l'actualité dans l'océan Indien. L'Afrique, Madagascar et une partie de l'océan Indien s'est préparée. Et des actus insolites avec des places de ciné à gagner. Tous en première avec Beverly. Samedi et dimanche, de midi à 14h sur Réunion Première. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Bienvenue sur la première. Nous accueillons nos experts de la caisse d'allocation familiale, Sybille Boyer et Fabrice Valliamé. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin pour répondre surtout à nos auditeurs et qui sont aussi des allocataires. Et pour poser toutes les questions à nos experts de la CAF, vous composez le 02 62 99 2000. Alors, on va communiquer entre autres ce matin sur l'ASF, c'est l'allocation de soutien familial, et puis sur la JIPA, c'est la garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Alors, Sybille Boyer, que nous faut-il savoir sur l'allocation de soutien familial, s'il vous plaît? Alors, l'ASF, c'est comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon. L'ASF, oui. Regroupe un ensemble de prestations qui peut être versées à la mère ou au père qui élève seul les enfants. Donc, destinées aux familles qui sont en situation de monoparentalité. Alors, pour l'ASF, il est constitué, dans un premier temps, de trois prestations. Et la trois prestations. D'accord, et la JIPA, le dispositif JIPA, a créé une nouvelle prestation, mais on en parlera par ailleurs. Alors la JIPA, c'est la garantie contre les impayés de pension alimentaire. De pension alimentaire, voilà. On est d'accord. Et la prestation ASF, dans la prestation ASF, il y a une partie qui concerne le recouvrement de la pension alimentaire. Donc c'est bien une prestation qui est en lien direct avec l'enfant. Puisque pour bénéficier de l'ASF, soit l'enfant n'est pas reconnu, on est dans une situation de famille monoparentale, l'enfant n'est pas reconnu. L'enfant n'est pas reconnu par le... Par le père, généralement. Par le père, oui, d'accord. Donc à ce moment-là, effectivement, les familles ont droit, peuvent avoir droit à une prestation, l'ASF. On dit plus communément l'ASFNR. D'accord. D'accord. Oui. Donc, soit l'enfant est orphelin de père ou de mère. À ce moment-là, c'est un droit qui devient automatique. Donc, voilà. Ou alors, l'enfant était reconnu par son père et sa mère, hein, mais le débiteur de pension alimentaire n'a pas les moyens, en fait, de payer cette pension alimentaire, puisqu'il est insolvable, soit par jugement, ou alors parce qu'il est dans une situation de précarité, RSA, AH, avec des revenus de vraiment minima sociaux. Et là, la caisse d'allocation familiale peut intervenir, c'est ça? À ce moment-là, la caisse va verser l'ASF, d'accord? Dans les situations où l'enfant est reconnu et qu'il y a un jugement qui fixe un montant de pension alimentaire. À ce moment-là, la famille, si l'ASF, si cette pension alimentaire en fait n'est pas réglée, par le débiteur de pension alimentaire, la CAF se substitue à ce parent et peut verser la SFR, l'allocation soutien familial recouvrement. Et c'est là où la JIPA en fait rentre en scène. Donc c'est là que la JIPA intervient, puisque c'est un dispositif qui va renforcer volet de recouvrement de pension alimentaire. En fait, avant d'aborder la JIPA, je vais laisser la parole à Fabrice pour qu'il vous expose un peu comment accéder à ce droit, le montant, enfin, comment ça se passe concrètement, quoi. Je demande à Marie de patienter quelques secondes au standard de la première, au 02 62 et 99 2000. Alors, on parle de choses très importantes ce matin. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'allocation de soutien familial et puis sur la garantie contre les impayés de pension alimentaire, on est là pour vous écouter, mais aussi pour répondre aux questions avec les experts de la caisse d'allocation familiale. Fabrice Valliamet. Oui, bonjour. Donc, je voudrais apporter quelques renseignements supplémentaires par rapport à ce que m'a dit Mme Boyer. Donc, l'allocation de soutien familial non recouvrable, elle est versée selon deux hypothèses déjà. Oui. Alors, la première hypothèse, c'est pendant 4 mois, renouvelable, lorsqu'une ouverture de droit à l'ASF, dans l'attente que soit fixée une obligation alimentaire par décision de justice. Ou dans l'autre cas, comme disait Mme Boyer, lorsque le parent est hors d'état, c'est-à-dire qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de l'enfant. Par exemple, si le parent débiteur est décédé, si l'enfant n'a pas été reconnu, ou si le parent dispose de revenus inférieurs au minimum de base qui est le RSA. Donc ça, c'est la partie allocation de soutien familial non recouvrable que l'on verse aux enfants jusqu'aux 20 ans moins un mois. Et ensuite, pour les personnes qui doivent engager une action en justice pour que le paiement de cette allocation de soutien familial puisse se poursuivre, cela veut dire que le parent est solvable. Oui. Donc, la CAF demande aux parents créanciers, à la locataire, d'aller engager une action de justice auprès du JAF, par exemple, s'ils n'en ont pas les moyens, pour recouvrir une pension alimentaire et jusqu'au prononcé du jugement. Fabrice Valliamet, Sybille Boyer, les experts de la caisse d'allocation familiale qui sont à votre écoute ce matin. Et nous avons Marie au téléphone, Marie de Saint-Denis. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez une question pour nos experts de la caisse d'allocation familiale. Oui, voilà. Alors, c'est pas moi qui est concernée, mais c'est ma nièce. Donc, c'est pour savoir, c'est pas pour quelqu'un qui. Elle touche le RSA. Et est-ce que elle a une pension alimentaire qui est toujours versée par le mari, puisque la fille a 22 ans. Et est-ce que ça la pénalise le fait de toucher une pension alimentaire? Est-ce qu'elle serait pénalisée? Parce qu'elle me dit que son montant du RSA. Si elle touche le. Oui. Et par rapport vraiment au montant qu'elle doit gagner, eh ben, c'est pas ça, quoi. C'est plus faible, quoi. Hein. Fabrice Valliamet, pour répondre à Marie. Alors, elle parle pour sa nièce. Hein. Voilà, tout à fait. Donc, pour votre nièce, étant donné qu'elle perçoit une pension alimentaire, elle est obligée de déclarer cette pension alimentaire sur la déclaration trimestrielle de RSA, qui va venir en déduction de son montant de RSA. Voilà, donc ça vient bien par rapport à sa pension alimentaire. Tout à fait. C'est pour ça. Et est-ce que c'est vrai que, une deuxième petite question pour finir, pour faire assez vite. Oui. Est-ce que c'est la CAF demande vraiment à quelqu'un qui touche, qui perçoit le RSA, donc qui a, finalement c'est pas un revenu, on va dire, c'est un revenu minimum, comme on disait avant, de financer une formation. Et après, comme elle a pas pu financer, elle dit que son RSA l'année dernière, elle était pénalisée, elle a eu que 165 €, donc elle n'a pas pu payer son loyer, tout ça, elle a beaucoup de problèmes et tout, donc est-ce que la CAF demande vraiment à quelqu'un de financer une formation, ça, tout en sachant que la personne ne peut pas, n'a pas les moyens, quoi. Oui, Sybille Boyer. En fait, non, la CAF ne demande pas aux personnes de financer une formation. Par contre, quand on est bénéficiaire du RSA, on a des obligations. Oui. Et l'une des obligations, c'est de rester dans la vie active. Voilà. Rechercher un emploi. Voilà, donc, il n'y aura pas de. S'il y a eu une sanction, c'est que il y a eu des demandes faites par la CAF auprès de votre nièce ces demandes n'ont pas été, il n'y a pas eu de retour. Donc on peut toujours expliquer une situation. Vous savez, madame, il faut qu'elle explique, il faut qu'elle apporte les preuves aussi. Il faut qu'elle apporte les preuves. Les preuves, parce que comme vous savez, comme vous l'avez dit, c'est une prestation qui est versée, c'est un minima social. Donc on demande il y a des obligations. Oui, bien sûr. Mm-hmm. Ce qui est tout à fait normal. Oui, c'est tout à fait normal, bien sûr. Voilà, c'est ce que je lui ai dit, sûrement. Elle dit qu'on lui a dit que c'est une punition et pour elle. Non, madame. Alors là, Marie, n'employez pas des mots comme ça. Moi, je lui ai dit justement, c'est pas une punition. Elle ne comprend pas. Et quand je veux lui apporter de l'aide, lui dire bon ben je vais essayer de voir son je vais dire faire pour elle quoi, l'aider, et elle veut pas, donc elle était un peu dépressive. Oui. En fait, si je peux intervenir, vous savez, dans le cas du RSA, les familles peuvent se faire accompagner par un travailleur social, soit par le département, par les assistantes sociales du Conseil général. Oui. Et là, il me semble, c'est plus le cas de votre nièce. Oui. Ou alors les travailleurs sociaux de la CAF. Mais en aucun cas, la CAF va punir les gens. Ah, non, mais moi, mais il y a des accompagnements. Je pense qu'effectivement, si votre nièce se retrouve dans une situation délicate, elle peut s'orienter vers les travailleurs sociaux du département ou de la CAF pour l'accompagner et l'aider dans ses démarches. D'accord, je vais lui dire. Hein. Ne pensez pas à la punition, Marie, s'il vous plaît. Non. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Attendez, oui. Fabrice Valliamé. Dites-moi, j'ai une question. Le montant de la pension alimentaire que votre nièce perçoit... Non, par contre, là, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Elle ne veut pas me dire. Donc, d'accord. Comme son mari, elle avait une pension alimentaire. Oui. Depuis, comme la fille ne travaille pas encore, elle peut suivre des études. Donc, le papa continue à verser la pension alimentaire. D'accord, mais juste pour info, si jamais ce montant de pension alimentaire est inférieur au montant de l'ASF et que cette pension alimentaire a été fixée par une décision de justice, par le JAF, elle pourrait éventuellement prétendre à l'allocation de soutien familial complémentaire, que l'on appelle la garantie des impayés de pension alimentaire. D'accord, donc dans ce cas, je l'invite à se retourner vers la CAF, à venir à la CAF pour prendre plus amples renseignements et monter un dossier éventuellement. D'accord. Ben, c'est bon. Voilà, Marie. Merci pour vos renseignements. Merci. Bonne journée à vous. À bientôt. À bientôt. Anne est avec nous. Bonjour, Anne. Allô? Anne, que nous allons retrouver dans quelques minutes sur la première. N'hésitez pas à joindre Mathias au standard. Nous sommes en compagnie des experts de la caisse d'allocation familiale. My house in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, EOU. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Best. basement, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you, ooh, you, ooh, I'd leave it all, ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Vous souhaitez en savoir plus sur les garanties contre les impayés de pensions alimentaires? Qu'est-ce que l'allocation de soutien familial? Jusqu'à 11h30, nous sommes en compagnie des experts de la Caisse d'allocation familiale. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Sybille Boyer et Fabrice Valliémé sont avec nous. Anne est au téléphone. Anne de Saint-Pierre, du côté de Grand-Bois dans le Sud. Bonjour Anne. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez une question pour nos experts. Oui, en fait, il y a quelques temps, nous avons reçu un courrier de la CAF pour nous signaler un trop perçu. On s'était arrangé avec eux pour qu'ils retiennent l'allocation que nous, que nous percevons pour notre enfant de 7 ans et demi. Oui, oui. Et là, il y a deux mois, successivement, à chaque fin de mois, je reçois un courrier comme quoi qu'il faudrait que je leur verse 100 euros mensuellement. Et votre question alors, c'est ben, que faire alors qu'un accord avait été... Un accord avait été trouvé, c'est ça? Voilà, voilà. D'accord, oui. Pour qu'ils retiennent le montant de l'allocation. Oui. Ouais. Et étendre sur la période jusqu'à ce que le trop perçu soit soldé. Et voilà que maintenant, nous recevons, nous avons reçu deux courriers comme quoi que nous devons mensuellement leur verser 100 euros pour que le solde soit réglé au plus vite, quoi. Et ces courriers-là de la caisse d'allocation familiale, vous les avez reçus quand? Ben, à la fin du mois de juillet et à la fin du mois d'août. Juillet et août, donc un mois d'écart. Et alors, et vous ne pouvez pas en fait régler ces 100 euros mensuellement, c'est ça, hein? Parce qu'il se trouve qu'au niveau du Pôle emploi aussi, il y a eu un calcul qui a été passé correctement. Donc, on a aussi reçu un courrier de trop perçu au niveau du Pôle emploi. Oui. Donc, ça fait auprès des deux instances que nous avons fait des remboursements. C'est pas très évident. Sybille Boyer, Fabrice Valliémé, les experts de la Caisse d'allocation familiale qui répondent à toutes les questions ce matin au standard avec Mathias au 02 62 99 2000 et puis par SMS au 06 92 70 2000. Les experts pour répondre à notre auditrice Anne de Grand-Bois. Fabrice Valliémé. Oui, bonjour madame. Bonjour. Donc moi ce que je vous conseille, étant donné que là on n'a pas votre dossier sous les yeux, hein, donc on n'est oui, pas à la CAF. Bien. Voilà, donc moi je vous conseille de passer dans l'antenne dont vous dépendez pour voir ce qu'il en est réellement de cette dette, si elle est justifiée ou pas, d'accord? Mmh. Et si effectivement il s'avère que cette dette est justifiée, de proposer un échéancier à votre convenance à la CAF. Pour essayer de trouver un plan pour le remboursement, si vous ne pouvez pas rembourser 100 euros d'une seule fois. Alors voilà, c'est ce qu'on lui a proposé, enfin c'est ce que vous avez proposé vous, ou bien c'est la CAF? Initialement, c'était ça qui avait été convenu. C'était ça qui avait été convenu, oui. Mais tout a été fait verbalement. Hein. Alors mon mari et moi, nous sommes allés voir voilà, quelqu'un à la CAF, et on leur a dit, au lieu qu'on débourse pour vous rembourser, oui, retenez l'allocation que nous aurions dû percevoir. En fait, madame... Sybille Boyer. Bonjour. En fait, peut-être bonjour, que le montant de vos prestations ne sont oui, pas assez élevés pour recouvrir totalement la dette. C'est pour ça que, monsieur Valliémé, vous disiez, il est compliqué là de vous répondre. Il faudrait qu'on puisse avoir votre dossier sous les yeux. Donc là, en plus, c'est un accord oral. Donc, après, il n'y a pas... Ce qui compte, c'est l'accord écrit. Et là, a priori, entre ce qui a été dit et ce qui s'est réellement passé sur le dossier, il y a une différence. Donc, ouais, comme vous disiez, monsieur Valliémé, le plus simple quand même, c'est de vous rapprocher de votre CAF pour faire le point sur votre dossier, sur le montant de cet indu, et ensuite, effectivement, faire un courrier au directeur et proposer un plan d'apurement qui serait plus adapté à votre situation, puisque le premier accord était oral. Comprenez? Oui, alors voilà, c'est ça. Il n'y a pas de document signé, il n'y a pas de... Non, vous n'avez jamais fait de lettre aussi. Ils ne nous ont pas demandé. On ne vous a pas demandé? Non, ils ne nous ont pas demandé. quand nous sommes allés les voir, ils nous ont dit ben, on y qu'ils comprennent parce qu'on a, on leur a montré aussi le courrier de Pôle emploi qui nous a réclamé le trop-perçu. C'est très bien, oui. Qu'elles comprenaient notre situation, ben, qu'elles feraient, voilà, qu'elles annuleraient le versement de nos prestations pour compenser justement à la longue le trop-perçu qu'ils nous ont payé. Et ben alors, Anne, vous faites d'abord donc, la première démarche, c'est de se rapprocher sur la CAF. À l'antenne. Donc là, vous êtes dans le sud à Saint-Pierre. J'irai à Saint-Pierre, oui. Vous irez à Saint-Pierre. Et puis alors, c'est tout à fait possible, apparemment, de revoir le chantier. Oui, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Bonne journée. À très bientôt. Alors, on peut aussi rappeler que le site de la CAF.fr, donc Fabrice Valliamé, est tout à fait ouvert. Donc, il suffit d'y aller et puis on peut aussi retrouver des renseignements. Tout à fait. On peut aussi poser des questions. La locataire n'a qu'à se rendre sur son espace personnel avec son identifiant, son mot de passe. Et quand elle pose ses questions, il y aura une réponse aussi. Alors, ça arrive aussi. Parfois, on perd le mot de passe. Oui, dans ce cas, il faut faire une nouvelle demande. On en parlait avec les finances publiques hier. Parfois, quand on veut aller sur le site, etc., sur son profil, et puis on a perdu le mot de passe. Mais dans ce cas-là, il faut faire une nouvelle demande. Oui. En fait, juste un petit courrier, et puis vous aurez un nouveau mot de passe. 02 62 99 2000 pour poser toutes les questions à nos experts de la Caisse d'allocation familiale et puis par SMS au 06 92 70 2000. Et puis nous avons une question notamment de Sylvie de Saint-Denis. Comment faire si le père est solvable mais paie sa pension un mois sur trois? Puisqu'on parlait tout à l'heure de l'allocation de soutien familial et de la JIPA, la garantie contre les impayés de pension alimentaire. Et puis Sylvie qui dit il faut trois mois consécutifs d'impayé pour lancer une action en justice. Et c'est là que c'est tout bénef pour le père. Ça, c'est le sentiment de Sylvie. Sybille Boyer. En fait, la JIPA prend tout son sens. Cette question, elle tombe très bien, puisque la JIPA, la garantie contre les impayés de pension alimentaire, c'est un dispositif qui a été créé justement pour lutter contre ce genre de situation et éviter aux familles monoparentales qui sont déjà souvent dans des difficultés, financières. Et de se retrouver encore plus dans des situations compliquées, oui. Dans ce cadre-là, parce qu'il faut savoir que l'impayé de pension alimentaire touche environ 40% des familles. Hein. Donc, il y a quand même des actions à mener pour contribuer à faire régler cette pension alimentaire et que les familles les plus vulnérables n'en souffrent pas. Donc, dans ce cadre-là, l'État, dans les dispositifs de lutte contre la pauvreté et l'égalité homme-femme, a mis en place ce dispositif JIPA, qui se concrétise en fait par qui s'appuie sur trois piliers essentiels, qui sont donc la création d'une nouvelle aide qui s'appelle AFC, donc allocation soutien familial complémentaire, c'est ça. Oui. Et cette allocation-là, elle est versée si on a une petite pension alimentaire. Par exemple, le montant de l'ASF est à peu près de 104 euros de mémoire. Donc, si on a une pension alimentaire d'environ 50 euros, s'il y a un jugement ou s'il y a une médiation qui a été homologuée devant le juge, la CAF peut à ce moment compléter ce montant. Voilà. D'accord. La pension alimentaire est versée à 50 euros, la CAF complète, 54 euros. Et le débiteur, lui, il n'aura pas remboursé cette somme parce qu'il fait déjà un effort pour pouvoir assumer cette pension alimentaire. Je pense que du fait de ces faibles revenus, la pension alimentaire sera adaptée. Ensuite, il y a effectivement les jugements qui ne sont pas respectés. Dans ce cadre-là, la JIPA, elle renforce en fait les voies d'exécution pour les recouvrements de pensions alimentaires. Donc, je vais laisser la parole à Fabrice. Alors, lorsque Sylvie dit qu'il faut trois mois consécutifs en fait pour d'impayés pour lancer une action en justice. Fabrice pourra mieux vous expliquer que moi cette partie-là. Alors, concernant les impayés, non, ce n'est pas trois mois. Ce n'est pas trois mois. C'est un mois d'impayés. Depuis la mise en place de la JIPA, c'est un mois d'impayés. Donc, d'une manière générale, quand une personne a une décision de justice ou un accord amiable homologué par un juge aux affaires familiales, si le parent débiteur ne paie pas sa pension alimentaire ou paie partiellement, l'allocataire peut venir à la CAF avec son jugement. Oui. sa signification ou sa notification ou bien encore son certificat de non-appel. Et nous, à la CAF, on met en place une procédure que l'on appelle l'allocation de soutien familial recouvrable. Alors, à quoi consiste cette prestation? En attendant que monsieur paie sa pension alimentaire, la CAF avance à madame une partie de cette pension alimentaire qui est égale au montant de l'ASF. Oui, d'accord. Sur la base de l'enfant. Ouais, ouais. Ou plus. D'accord. Donc, la CAF envoie une procédure amiable aux parents débiteurs, lui précisant qu'il y a eu une décision de justice qui l'a condamné à payer une pension alimentaire. Et qu'à ce jour, cette pension alimentaire n'est pas payée. Donc, on demande à monsieur de se mettre à jour au niveau de se mettre à jour, oui. De pension alimentaire. Oui. Et au bout de 2 mois, si monsieur décide de ne pas reprendre le paiement de la pension alimentaire, obligatoirement, la CAF, suite à la subrogation et mandat que madame aura signé, c'est-à-dire qu'elle donne les pleins pouvoirs à la CAF pour recouvrir la pension alimentaire à sa place, la CAF passera à un mode de recouvrement forcé. Donc, qui dit mode de recouvrement forcé... Le mode de recouvrement forcé. Forcé, voilà. Qui dit mode de recouvrement forcé, c'est un paiement direct qui est mis en place avec un tiers détenteur de fonds, qui peut être soit un employeur, soit bon. Une banque, tout tiers détenteur de fonds. Donc, le principe, c'est qu'on saisit le montant de la pension alimentaire avec un tiers détenteur de fonds, qui transmet les fonds tous les mois à la CAF. La CAF retransmet à madame. Et dès le premier paiement, la CAF arrête d'avancer à madame la pension alimentaire et madame reçoit sa pension alimentaire. Et dans cette procédure de paiement direct qui est sur 24 mois, c'est un plan qui est mis en place avec le tiers détenteur de fonds, la CAF va aussi mettre dans cette procédure les arriérés de pension alimentaire que monsieur doit aussi à madame. Vous avez des droits donc et aussi des devoirs. Comment les faire valoir? On en parle avec les experts de la caisse d'allocation familiale. Oui, Sybille Boyer. Oui, donc pour rebondir sur ce que disait Fabrice et pour répondre à la question de Sylvie, donc c'est pas 3 mois. Au bout du premier mois d'un payé de pension alimentaire. Donc Sylvie n'avait pas la bonne information. Non, elle n'avait pas la bonne information. Elle peut saisir la CAF. C'est une procédure qui est gratuite. Donc c'est un service gratuit que la CAF propose à ses allocataires. Comme l'expliquait Monsieur Valiamé, les procédures, elles peuvent être très contraignantes pour le débiteur, puisque effectivement, on va saisir directement sur ses comptes ou auprès de son employeur pour pouvoir régler la pension alimentaire au parent qui a la charge de l'enfant. L'AGIPA, l'ASF, l'allocation de soutien familial, la garantie contre les impayés de pension alimentaire, c'est au cœur de votre émission de service Les Experts jusqu'à 11h30, mais vous pouvez aussi, et vous avez tout à fait le droit de poser toutes sortes de questions sur les allocations en général, vous composez le 02 62 99 2000, Mathias vous accueille au standard de la première, par SMS au 06 92 70 2000. Je partirai au lever du jour, plus rien ne me retient ici. Ils ont tué le peu d'amour qu'il restait dans cette chaîne de vie. La misère qui ronge nos faubourgs ne fait qu'endurcir mon esprit. J'irai chercher ailleurs un peu d'espoir. Qui sait si la retourne demain me sourira. J'irai, faudra payer le prix. Ici ou ailleurs, tout ce que je sais, c'est qu'on est en droit de choisir. Je parlais du seul, c'est où je vais, sûrement loin d'ici. Je sais ce que j'y trouverai, le meilleur comme le pire. Je ne crois pas à la terre promise, je ne vois pas l'horizon. Si la tyrannie s'éternise, je garderai toutes mes illusions. C'est tout un symbole qu'on brise pour s'affranchir de l'oppression. Quoi qu'il arrive, je n'ai plus rien à perdre. C'est à la force des mains que je me construirai un avenir. Je sais que partout où j'irai, faudra payer le prix. Je sais, c'est qu'on est en droit de choisir. Je parie Dieu seul, c'est où je vais, sûrement loin d'ici. Je sais ce que j'y trouverai, le meilleur temps. après jour. Si on t'enseigne l'ignorance, qu'il n'y a que les fusils en recours, face à la trop grande arrogance de pays servant de beaux discours, pour larguer leur bombe à outrance, je prie le ciel pour que vive l'espoir de voir un jour mon peuple se lever pour le droit de vivre libre. Je sais que partout où j'irai, faudra payer le prix. Ici ou ailleurs, tout ce que je sais, c'est qu'on est en droit de choisir. Je parlais de ça, c'est où je vais, sûrement loin d'ici. Je sais ce que j'y trouverai, le meilleur comme le pire. Ce que j'y trouverai, le meilleur comme le pire. Je sais ce que j'y trouverai, le meilleur comme le pire. Je sais ce que j'y trouverai, le meilleur comme le pire. This program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Dr. Martin Luther King Jr. was shot outside a Memphis motel this afternoon. His condition is not known at this time. Pas mal. C'est nous, signé Nouti sur la première. Réunion Première, c'est la Radio Pays. Bonjour La Réunion. L'information locale dès 5h et tout au long de la journée. Des invités à votre écoute. Réunion Première avec vous, sur la route, à la maison ou au travail. Gros trafic, attention. Y a grand matin dès 5h, la colle Jacques à 8h et vos experts. Tout ce que nous rencontrons comme problème. Le débat de la mi-journée, le bon tempo l'après-midi, le magazine de la rédaction et Claudio dans la case à 19h. Notre tradition, notre culture, notre quotidien. Bienvenue sur Réunion Première, la Radio Pays. Au cœur de la Réunion, avec Sonia. Passez une petite heure ensemble pour cette émission qui est la vôtre. Vous donner des idées de sortie. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans notre belle île? Il y a des gens et je fais des démonstrations, comme on fait le curcuma, la rougoute. Sachez que ça bouge à côté de chez vous. Au cœur de la Réunion, avec Sonia. Samedi et dimanche, de 9h à 10h, sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Sybille Boyer et Fabrice Valliamé sont avec nous sur la première. Ce sont les experts de la Caisse d'allocation familiale. Marie de Brabannon en direct sur Réunion Première. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Marie? Ça va. Alors, vous avez une petite question pour nos experts de la CAF. Voilà, parce que j'ai un enfant de 10 ans qui part en CM1 en ce moment et il y a un autre qui est au lycée. Oui. Et j'ai pas eu l'allocation rentrée scolaire. Vous n'avez pas reçu l'allocation de rentrée scolaire? Pour les deux? Pour les deux. Pour les deux? Pour les deux. Et puis, il y a aussi le problème prime d'activité, parce que j'ai travaillé, mon mari travaille, et on n'a pas le droit non plus à l'allocation. Alors, à la prime d'activité. Très bien. On va d'abord s'intéresser, on va essayer de comprendre pourquoi vous n'avez pas perçu l'allocation de rentrée scolaire, parce que ça a été versé depuis le mois de... Depuis le mois d'août, ça a été versé. Mois d'août, début août, il me semble. Oui. Oui, Fabrice Valliamé, vous avez encore des personnes, des allocataires qui vous appellent pour vous dire qu'on n'a pas perçu l'allocation de rentrée scolaire? Normalement, ça a été versé pour la plupart des allocataires. Elle a deux enfants, vous dites, Oui, oui. Qui sont en primaire. Un en primaire, l'autre au lycée. Un qui est au primaire et l'autre au lycée. Oui. Alors, donc, là, je n'ai pas votre dossier sous les yeux, hein, mais si vous me dites que les deux enfants, aussi bien celui du primaire et celui qui a 16 ans, qui n'ont pas reçu, c'est qu'il doit vous manquer une pièce dans votre dossier allocataire, je pense. Hein. Donc, il vaut mieux que vous rapprochiez de votre antenne pour voir si, quelle pièce il manquerait à votre dossier éventuellement. Hein. Ou peut-être vous n'avez tout simplement pas droit, madame. Tout simplement, peut-être que vos ressources sont supérieures au plafond des prestations qui sont versées. Et à ce moment-là, vous pouvez ne pas avoir droit à cette prestation. Mais les années précédentes, vous avez perçu l'allocation de rentrée scolaire ou pas? Pour le grand, oui, mais pour le petit, non. Votre situation a changé ou pas aussi, Marie? Non. Que ce soit la situation de votre mari et le vôtre. Le vôtre, hein, non? Moi, j'ai des heures en moins. J'ai fait des heures en moins. Vous avez des heures en moins, oui? Oui, des heures de travail en moins. Et là, bon, ben. Mais comme l'ARS est une prestation soumise à condition de ressources aussi, donc il serait préférable hein, donc, que vous passiez à la CAF pour voir le motif du non-versement. Hein. D'accord. Et il faut aller sur Saint-Benoît. Vous pouvez aller sur Saint-Benoît ou sinon vous pouvez je vous invite à partir sur votre espace caf.fr et vous poser votre question. Ah, vous aurez votre réponse. Vous avez été déjà sur le site de caf.fr, Marie? Oui, j'ai fait justement pour le prime d'activité. Vous avez fait une simulation et tout? Oui. Oui. Donc vous connaissez comment ça fonctionne. Alors ça c'est donc vous pouvez retourner pour avoir plus de d'éclaircissements sur l'allocation de rentrée scolaire. Et puis alors l'autre question ça concernait la prime d'activité. Oui, la prime d'activité aussi parce que moi j'ai fait seulement 108 heures par mois et là non plus j'ai pas le droit. Sybille Boyer. C'est sûrement une. Je pense qu'il faudrait revoir les ressources que vous déclarez, madame, puisque ces deux prestations sont liées directement aux ressources déclarées au niveau des impôts. Vous savez, on a des échanges de fichiers avec les impôts et on reçoit en fait à la CAF des informations sur les ressources des allocataires pour mettre à jour les dossiers, payer les prestations, ce genre de choses. Donc peut-être que nous, on a une information. Qui fait que notre système informatique pense que vous dépassez le plafond et que vous ne pouvez pas bénéficier de ces prestations-là. Donc, comme le disait M. Valéamé, le plus simple, c'est d'aller sur votre espace et de faire un mail à nos techniciens qui, à ce moment-là, retravailleront sur votre dossier et vous répondront par le biais d'une notification pour vous dire ce qu'il en est exactement. D'accord. C'est bon, merci beaucoup. D'accord, Marie. C'est bon, merci beaucoup. Alors, parfois, c'est vrai que ça coince, les gens ne comprennent pas que pourquoi les années précédentes, c'était possible, aujourd'hui, ce n'est plus possible, Parce que les lois changent. Parce que les lois changent, oui. Les lois et changent. Et la situation et voilà. dans le couple, la situation familiale a changé, c'est ça? La situation familiale a pu changer. Les ressources déclarées peuvent effectivement changer. Les lois changent et il y a eu effectivement des modifications, notamment sur le plafond des ressources pour prendre en compte quand on calcule un droit. Et effectivement, il y a des allocataires qui peuvent effectivement pendant une année avoir droit et l'année suivante ne plus avoir droit. Parce qu'il y a eu des changements entre-temps. Alors c'est étonnant pour l'allocation de rentrée scolaire, on pensait que tout le monde avait perçu, mais il arrive parfois des situations, des cas où des gens n'ont pas si, perçu cette allocation. Si les gens se retrouvent dans cette situation, le plus simple reste quand même d'appeler la plateforme téléphonique. Ils auront l'information directement par le biais de la plateforme sur le dossier. Si c'est un peu plus complexe, ils laisseront un message et le technicien va aller consulter le dossier et apporter à l'allocataire de toute façon une réponse par le biais d'un courrier ou par une réponse mail. Restez bien avec nous, on vous donnera tout à l'heure le numéro de téléphone de la plateforme téléphonique. Jacqueline est avec nous, Jacqueline de la Rivière des Galets. Bonjour Jacqueline. Bonjour à tout le monde. Bonjour, merci d'être là. Jacqueline, c'est à vous. Oui, j'aimerais savoir pourquoi le RSA n'est pas valorisé comme la métropole à La Réunion. Pourquoi le RSA n'est pas valorisé comme en métropole, c'est-à-dire? Ben oui, parce que là-bas, il y a 524 et nous gagnons moins. Pourquoi donc le montant du RSA qui est versé en métropole n'est pas le même montant que celui qui est versé ici? Pas du tout. Oui, d'accord. Oui, ouais. Alors, je vais vous faire une réponse globale parce qu'effectivement, c'est un peu plus complexe que l'on croit. À La Réunion, nous avons d'autres prestations qui ne sont pas servies non plus en métropole. Donc, il faut aussi voir ces jeux-là, madame. C'est-à-dire, effectivement, en métropole, vous pouvez avoir un montant de RSA plus important. Sauf qu'à La Réunion, pour le premier enfant, par exemple, vous avez droit aux prestations familiales, ce qui n'est pas le cas en métropole. Donc, on est département d'outre-mer. Et dans le cadre dans ce cadre-là, les prestations qui sont liées au territoire d'outre-mer ne sont pas forcément, en tout cas dans la législation, il y a des petites différences. Donc, je ne pourrais pas répondre directement à votre question pourquoi le montant, et j'en suis désolée, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, vous devez aussi, il y a un effort sur la location logement qui peut être plus important à La Réunion qu'en métropole. Vous voyez, ce genre de choses qu'on ne voit pas forcément parce qu'on n'a pas toutes les informations. Voilà. Parce que Madame Deda avait signalé sur la télévision. Jacqueline, j'entends bien, mais là. Ça va passer à 524 euros au lieu de 400, je ne sais pas combien. Non, Jacqueline, on a répondu de manière générale, mais c'est vrai qu'on est là beaucoup à l'écoute des auditeurs, notamment sur les prestations, sur les allocations de manière générale. C'est pour cela on se penchera sur le problème, en tout cas. D'accord? Allez, bonne merci. Journée. Bonne journée. Merci Jacqueline, merci à vous. À très bientôt sur Réunion Première. Alors, il y a Marie Duport qui dit « Je travaille, je perçois 1556 euros, 120 heures par mois, j'ai 3 enfants, est-ce que j'ai droit à la prime d'activité ?» Réponse très rapide. Elle donne le montant, hein, donc et puis le nombre d'heures. Voilà. Le plus simple, madame, ça, si on n'a pas votre dossier sous les yeux et que dans ce genre de prestations, il y a toujours des calculs, on prend en compte quand même d'autres ressources. Donc le plus simple, c'est d'aller sur votre espace, votre compte.fr, et de faire la simulation. C'est un système informatique qui est sûr, donc vous pouvez faire votre simulation. S'il vous dit que c'est OK, à ce moment-là, vous faites votre demande. Voilà donc Marie Duport. Prune de Saint-Leu. Bonjour Prune. Oui, bonjour. Bonjour. Ça concerne votre fils qui est étudiant, c'est ça? Oui, voilà. Voilà. Il s'appelle comment votre fils? Il s'appelle Yann. Yann. Alors vous restez avec nous Prune. On vous retrouve juste après l'info de 11h sur Réunion Première, mais on va s'occuper de votre situation et du cas de Yann, d'accord? Merci. S'il vous plaît, merci à vous. 02 62 99 2000 pour poser toutes les questions aux experts de la Caisse d'allocation familiale, Sybille Boyer, Fabrice Valiamé. Et puis n'hésitez pas aussi à réagir par SMS au 06 92 70 2000. Le meilleur de la musique locale sur la première, voici Stéphanie Tassard. Nos regards s'accrochent, se figent. Nos sourires s'accordent. S'attire. Tu ressembles à mon rêve. Le temps s'arrête. Curieuse, attirée, troublée. Il est évident que je veux te connaître. Je veux te connaître. Aucun de nous n'ose parler. Même si nos corps trahissent nos pensées. Tes yeux me suivent comme aimantés. Autour de nous tout disparaît. Et ma main s'envole d'un geste. Mon cou est dévoilé. Comme je veux te connaître. Oui, je veux te connaître. Seras-tu celui qui me fera danser? Fais-moi danser. Fais-moi danser. Tu es celui qui me fera découverte a commencé. Nous parlons de nos passés. Le futur est amorcé. Et ta voix me plaît, ton rire familier. J'ai comme une impression de déjà te connaître. Oh, je veux te connaître. Pas la part. Oui, je veux te connaître. Bam, bam, da, da, da, da. Oui, je veux te connaître. Je veux te connaître. Et je veux te connaître. experts de la caisse d'allocation familiale sont à votre écoute sur la première jusqu'à 11h30. Vos questions 02 62 99 2000. Bonne fin de matinée à tous, il est 11h. L'info avec Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Claude, bonjour à tous. À la cour d'assises, Marie-Judy Olivier comparaît depuis ce matin pour le meurtre de son compagnon Rudy Blard. Le jeune homme de 22 ans avait été mortellement poignardé par l'accusé un jour d'avril 2013 dans le logement du couple à Saint-Benoît. Condamné l'an dernier à 14 ans de réclusion criminelle, Marie-Judy Olivier espère obtenir une peine moins sévère. C'est dans cette optique que la jeune femme a demandé un second procès en appel. Nous serons en direct de la cour d'assises à midi avec Nadine Bachelot. Judiciaire toujours, David Janac condamné à 2 ans de prison ferme hier lors de son procès devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Vendredi, il avait mis le feu à la maison de son voisin à Brapanon. Âgé de 38 ans, l'incendiaire a expliqué à la barre qu'il était en conflit avec son voisin depuis l'école primaire. On la croyait derrière nous cette année, mais la revoilà qui repointe le bout de son nez. La grippe repart de plus belle dans le département avant l'arrivée de l'été. L'Agence régionale de santé annonce qu'un deuxième pic du virus est enregistré depuis la mi-août. Et l'ARS rappelle l'importance de se faire vacciner pour les personnes vulnérables. La grippe a, rappelons-le, tué 17 personnes cette année. Et au total, 63 Réunionnais ont été hospitalisés en service de réanimation depuis le mois de janvier. Dans notre prochain journal, nous parlerons également de la campagne de la primaire à droite. Depuis vendredi, on connaît la liste des 8 candidats qui tenteront d'obtenir l'investiture pour représenter leur camp à la présidentielle de 2017. Pour être candidat à cette primaire, il fallait recueillir suffisamment de parrainages de parlementaires. Quel rôle ont joué les parlementaires d'outre-mer ? La réponse dans l'édition de la mi-journée. En sport, son nom n'est pas encore bien connu du grand public, mais cela va peut-être changer. Wesley Saïd a marqué son premier but en Ligue 1 dimanche. L'attaquant d'origine réunionnaise évolue cette année sous les couleurs du Stade Rennais. Rennes qui a pu s'imposer 2-0 face à Caen. On reparle de la performance de Wesley Saïd dans le journal de midi. Et puis, juste après le journal de midi, à 12h15 sur Réunion Première Radio, c'est dans l'actu, sera consacré au marché forain avec la question de l'hygiène et de la sécurité sur les marchés. Avant d'acheter des produits frais à un bazardier, vous devez être sûr qu'ils sont bien conservés et la propreté des étals compte au moment de faire son choix. Les invités de Philippe Dornier seront Nadine Villiers, secrétaire générale de la Fédération nationale des marchés de France, Claude-François Bouillet, le président de l'UCNSR, l'Union des commerçants non sédentaires de la Réunion, et Laurent-Xavier Delmotte, le responsable de la DAF et des contrôles sur les marchés. Vos questions et vos réactions au 0262 99 2000, également par SMS au 06 92 70 2000, via Twitter avec le hashtag CDL à première et sur la page Facebook de l'émission C'est dans l'actu. Il est 11h03, un tour de l'actualité nationale et internationale avec France Info. Météo France met en garde de violents orages, du vent et de la grêle sont à prévoir aujourd'hui dans le sud-ouest, de la Vienne jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques. 11 départements au total sont placés en vigilance orange. La mutinerie du centre pénitentiaire de Poitiers, à présent Poitiers-Vivonne, hier, d'après le syndicat Force Ouvrière, tout est parti d'un refus de permission à un détenu. Une cinquantaine d'autres ont en fait volé les clés d'un surveillant et mis le feu à tout un étage de l'établissement. Bilan, une dizaine de blessés chez les forces de l'ordre et les détenus, principalement à cause de la fumée. Les projets d'attentats déjoués la semaine dernière dans des gares d'Île-de-France et à Paris, les trois femmes du commando interpellées jeudi dans l'Essonne sont désormais mises en examen, tout comme le compagnon de l'une d'entre elles. Par ailleurs, l'adolescent arrêté samedi dans la capitale, qui disait vouloir mourir en martyr après avoir commis un attentat, est lui aussi mis en examen. La trêve en Syrie, elle a débuté hier soir. L'armée cesse les combats pour une semaine en théorie. Cet accord initié par les Russes et les Américains est peut-être la dernière chance de sauver le pays, dit le secrétaire d'État américain John Kerry. La guerre en Syrie a fait plus de 300 000 morts en 5 ans. Elle court et même très vite. Marie-Amélie Le Fur remporte le 400 mètres aux Jeux Paralympiques de Rio. Sa deuxième médaille d'or après le saut en longueur, la Française de 27 ans, amputée de la jambe gauche, signe là un nouveau record du monde. France Info. La météo de ce mardi 13 septembre. Avec un ciel qui reste nuageux au sud depuis ce matin, le temps est ainsi de Saint-Pierre à Sainte-Suzanne et partout ailleurs. Ce sont les éclaircies qui l'emportent et un mot sur notamment le temps de cet après-midi. Fera gris dans les hauts de l'ouest. Les températures affichées pour aujourd'hui, 15 degrés au volcan, 25 à Saint-Denis et jusqu'à 26 degrés sur le littoral. Souhaitez-vous en savoir plus sur les garanties contre les impayés de pensions alimentaires? Comment faire valoir vos droits? Que dit la loi? Et que propose la caisse d'allocation familiale? Nous sommes là aussi jusqu'à 11h30 pour parler de l'allocation de soutien familial. Et qui sont les bénéficiaires? Sous quelles conditions pour y avoir droit? Et quel est le montant versé? Et surtout les démarches qui sont à faire? Vous composez le 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Et nous allons retrouver dans quelques minutes nos experts de la Caisse d'allocation familiale, Sybille Boyer et Fabrice Valliamé. Il y a un numéro de plateforme téléphonique, notamment pour rejoindre la Caisse d'allocation familiale. Je vous le donne, vous le notez s'il vous plaît. On vous rappellera ce numéro avant la fin de l'émission. C'est le 0810 25 97 40. 0810 25 97 40. Run away. Tournons au standard, les experts de la Caisse d'allocation familiale, Sybille Boyer et Fabrice Valliamé sont à votre écoute. Ils sont là aussi pour répondre à toutes vos questions. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Alors je vais demander à Reine Claude de patienter, Daisy également, mais Prune est avec nous. Bonjour Prune. Bonjour. Voilà, rebonjour, vous êtes de Saint-Leu et vous appelez pour votre fils. Oui, voilà. Donc lui, il est étudiant, donc depuis, il a eu 18 ans au mois de juin. Et ce qu'il y a, la question est, c'est qu'il a pris une location sur près de la fac, mais en colocation, est-ce qu'il a droit, est-ce qu'il y a un impact sur moi, mes allocations, enfin, mon aide de logement à moi, en fait? Est-ce qu'il y a un impact? Le fait qu'il soit parce en co... une demande. On n'a pas fait la demande encore, parce qu'on sait, bon. Voilà, on ne savait pas s'il fait la demande, est-ce que moi, j'aurais plus d'allocation au logement? C'est ça, là. Oui, voilà, donc, mais c'est une colocation, hein? Lui, il a pris une colocation, oui. Une colocation. Alors, est-ce qu'il y aurait des impacts ou pas sur la situation, notamment bonjour, de madame. Prune. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, de manière générale, si l'enfant, à l'heure actuelle, est sur votre dossier, et qu'il veut faire sa demande d'allocation logement, il va devenir allocataire. Donc, obligatoirement, on va le retirer de votre dossier. D'accord. Ça, c'est sûr. Il aura son propre dossier à lui. Oui. Non ? Et après, ensuite, bon, il sera étudiant. Donc, à lui de faire sa demande, il peut faire sa simulation sur le site de la CAF. D'accord. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant ne sera plus, votre enfant ne sera plus sur votre dossier. Il ne sera plus rattaché. Déjà, il n'est plus sur mon dossier ou... Non, les prestations familiales, en général, sont servies jusqu'aux 20 ans, moins un mois. D'accord. Non, mais là, comme il va faire sa demande d'allocation de logement, automatiquement, on va le retirer de votre dossier. D'accord. Il aura son propre dossier à lui. Il sera allocataire irresponsable. Donc, il y aura forcément des répercussions. Ça, tout à fait, oui. C'est ça. D'accord. Ouais. Est-ce que ça vous va comme réponse, Prune ? Ça me va. Oui, pas autre chose à demander. Profitez, hein, parce que c'est pas tous les jours que nous avons la caisse d'allocation familiale. Non, ça va aller. D'accord. Bon. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous. Daisy de Saint-Philippe. Bonjour, Daisy. Oui, bonjour. Bonjour. En fait, moi, c'était la question que la dame a posée. Toujours pour un enfant en colocataire, sur un loyer de 650 euros. Est-ce que elle a déjà son numéro d'allocataire ? Et est-ce combien qu'elle va toucher pour la location de logement? Alors, moi, j'ai comme information que c'est un logement qui est en métropole, hein? Oui, oui. D'accord. Et c'est pour votre... C'est pour ma fille. Elle est étudiante. Votre fille. Et je voulais savoir sur le montant de 650 euros de loyer. Oui. Combien elle aura d'allocation de logement? Est-ce qu'on peut répondre à Daisy? La question, elle est juste. Bonjour Daisy. Elle est précise. Bonjour. Aussi. Oui, je ne pourrais pas répondre on à votre question répondre, avec autant de précision. Oui. La seule chose. Parce que là, ça va dépendre fait, de quoi? C'est-à-dire, comment vous allez faire le calcul? Déjà, le montant de l'allocation logement étudiant n'est pas le même à La Réunion qu'en métropole. Oui. Qu'en métropole, voilà. Ensuite, il y a une grande différence. Sincèrement, je ne pourrais pas vous donner la différence. Oui. Ensuite, il faut savoir si votre enfant sera toujours sur votre dossier ou elle aura son dossier. Si les ressources prises en compte, c'est les ressources de votre enfant en tant qu'étudiante ou le couple, les ressources des parents. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Le plus simple, c'est qu'elle fasse une simulation directement sur le site internet de la CAF et elle aura sa réponse en direct. D'accord. Voilà. Je repose une petite question, s'il vous plaît. Bien sûr. Est-ce que, comme elle a déjà son numéro d'allocataire... D'accord, donc elle a son dossier. Oui, elle a son dossier. Donc, et elle touchait, elle a 18 ans, et comme elle est tombée enceinte, elle a commencé à toucher, comment dire ? Des prestations liées à la grossesse. Oui, voilà. Mm-hmm. Donc, je voulais savoir, c'est arrêté. Et puis, par rapport aux allocations, est-ce que ça va jouer sur ça ? Ça s'est arrêté comment, c'est-à-dire elle a eu un accouchement prématuré. D'accord. Donc voilà, elle n'a pas eu de bébé quoi. Ah alors d'accord, l'enfant n'est pas né. Enfin l'enfant oui, est voilà. Né mais mort né. Oui. En fait non, là on va prendre sa situation comme elle est aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de répercussions par rapport à ce qui s'est passé avant. Oui. Donc on prend la situation, elle est étudiante, seule, étudiante seule, donc on va calculer son montant d'allocation logement sur sa situation réelle. D'accord. On va prendre en compte ses ressources à elle, puisqu'elle a son dossier d'allocataire. D'accord. Maintenant, comme je vous disais, il est préférable qu'elle aille sur le site, bien sûr. Oui, d'accord. Mais, voilà. Mais c'est vraiment facile d'accès, notamment sur le site de CAF.fr, vous avez vraiment tous les renseignements. Tout à fait, oui. Non, oui. Oui. Donc n'hésitez d'accord. pas. D'accord, merci Daisy. Au revoir. À très bientôt. Nous irons retrouver tout à l'heure Reine Claude et Philippe. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Et votre syndicat ne bouge pas maintenant. Et vous êtes majoritaire. On est habitué à ces grandes déclarations. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. Mais notre argent est dans la poche l'État. On veut savoir ce qu'on veut à La Réunion. On veut une belle route. On veut ceci, on veut cela. C'est dans l'actu avec Philippe Dornier du lundi au jeudi dès 12h15 sur Réunion Première. 19h-20h, Claudio dans la case. Petit message à Coucou, vous avez écouté un bon petit morceau, un seul numéro. Je passe un petit message, mon chéri, qui me fait de gros bisous. On a des cadeaux à gagner. Deux gaillards, c'est galé. Ça va aller au cinéma ce week-end. Claudio, ma Claudio. Claudio dans la case, du lundi au vendredi, de 19h à 20h, sur Réunion Première. Première. Première. 10h midi, les experts, avec Claude Montané.

que j'ai plusieurs versions. Donc, on me dit, bon, je dois déclarer le chiffre d'affaires. Et certains me disent, comme je suis prestataire, je dois déclarer 50%. Oui. Alors, moi, j'aimerais qu'on m'éclaire un petit peu là-dessus, en fait. Je crois qu'on va aller beaucoup plus loin. Oui, on va, bonjour, bonjour madame. Votre dossier bonjour. En main. Effectivement, la PPA et les auto-entrepreneurs. S'il vous plaît, alors là. La prime d'activité et les auto-entrepreneurs, c'est une longue histoire. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre vos coordonnées. Oui. Et je vous rappellerai dans la journée pour pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il faut prendre en compte dans le calcul de votre d'accord. prime. D'accord. On va s'occuper de vous, Reine-Claude, d'accord ? C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Cathy de Saint-Denis, bonjour Cathy. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous appelle, j'arrive de la métropole, donc je suis arrivée au mois de mai. Nice. Et donc, j'ai bien évidemment prévenu et la CAF des Bouches-du-Rhône et la CAF d'ici que j'avais déménagé. Donc là, ça fait donc depuis le mois de mai que mon dossier est en suspens, en tout cas pour une partie des prestations. Eux, ils me disent que le certificat de mutation qui a été fait donc en date du 27 juillet n'est pas bon, parce que ici, la législation veut que le certificat de mutation soit fait à partir de la date à laquelle j'ai quitté la métropole. Sauf qu'en métropole, moi, ils l'ont fait en date du 27 juillet et je peux même pas prendre contact avec eux. C'est-à-dire que quand je les appelle, ils me disent de toute façon, votre dossier maintenant est à l'île de la Réunion, c'est à l'île de la Réunion de prêter. L'île de la Réunion, quand je me déplace sur Sainte-Marie, à chaque fois, ils me disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont fait la demande, de différentes manières et que les Bouches-du-Rhône ne leur répondent pas. Donc moi, j'ai toute une partie de mes prestations qui ont été bloquées. Là, ça a été débloqué parce que j'ai fait le nécessaire pour que ça soit débloqué. Mais la prime de la rentrée, par exemple, je l'ai eue qu'à la fin du mois de ce mois. Avec du retard, c'est ça ? Avec du retard. Qu'une partie. Oui. C'est-à-dire que l'ASF, par exemple, m'a pas été versée. La prime à l'activité ne m'a pas été versée. Donc tout mai, juin, juillet, août ne m'a pas été versé. Ils ont pris mon dossier à partir du mois d'août à l'île de la Réunion. Ce qui est exceptionnel en soi, parce que le monsieur, ce qu'il m'a dit, exceptionnellement, on va débloquer votre dossier à partir du mois d'août, mais par contre, tout ce qui est en amont n'a pas été pris en compte, quoi. Vous venez de métropole, hein ? C'est ça. C'est ça, oui. En fait, vous avez eu une mutation. C'est ça. Ouais. Fabrice Valliamé. Ah, bonjour madame. Bonjour. Si j'ai bien compris, vous parliez d'allocation de soutien familial, c'est ça, que vous percevez en France, qui n'a pas été payée. Dites-moi, quand vous me dites d'allocation de soutien familial, c'est qu'il y a eu une procédure de recouvrement faite par la CAF de métropole ? Non, la demande a été faite ici. La demande de recouvrement a été faite ici, c'est ça ? Oui, la demande d'ASF a été faite ici. D'accord, donc il y a bien une décision de justice qui fixait la pension alimentaire, et à ce jour, cette pension alimentaire est impayée. Vous ne savez pas où ça en est, quoi, c'est ça ? C'est pas du tout ça, c'est juste mon dossier est bloqué. Et quand vous regardez dans mon dossier, c'est marqué, le dossier est en attente, votre conseiller technicien étudie votre dossier. Mais il n'y a rien qui est fait, quoi. Et moi, j'y suis depuis le mois de mai, ici. Hein. D'accord. Là, le souci pour nous, là, alors, tu vois, c'est que là, on n'a pas votre dossier sous les yeux, hein, pour vous donner le véritable motif. Hein. Et donc, on n'a pas d'autre moyen que de vous dire de passer, malheureusement, à l'accueil, ou sinon, laissez-nous vos coordonnées, hors antenne, et on regardera votre dossier. Ah, ça serait super. On vous contactera. Okay. Oui, parce que là, vous souhaitez. En fait, ça tombe bien, puisque nous sommes en train de parler depuis tout à l'heure de l'allocation de soutien familial. C'est ça. Vous avez des enfants ? J'en ai deux. Deux ? Ouais, ouais. Alors, écoutez, nous avons vos coordonnées de toute façon. Ok. Est-ce que vous avez besoin de mon numéro allocataire ? Oui. Si vous pouvez laisser avec Mathias au standard votre numéro d'allocataire. Ok. Ok. Voilà. Okay. Et puis je transmets. Ok, très bien. Merci. Je vous remercie. Bonne journée, madame. À bientôt. À bientôt, Cathy. 02 62 99 2000. Il vous reste très peu de temps, moins de 5 minutes pour rejoindre Mathias, pour poser les questions notamment aux experts de la caisse d'allocation familiale. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Nous reviendrons dans un instant sur l'ASF, l'allocation de soutien familial, et sur la JIPA, la garantie contre les impayés de pensions alimentaires. Donne mon béatel, mi ça va. Voici la batte et nena. Donne mon béatel, mi ça va, Rode mon sauceau, t'es à la barre. Des potes à moi, ça pas bon. À la moins d'un rédillon. Des potes à moi, ça pas bon. À la moins d'un rédillon. Donne mon soubite, mi ça va. Soigne mon enfant, t'es là. Donne mon soubite, mi ça va. Rode un boucher pour bana. Ferme à l'oeil mon papa. Maman zélo qu'est sa baba. Ferme à l'oeil mon papa. Maman zélo qu'est sa baba. Donne mon vieux pioche, mi ça va. Gratte la terre, la tebana. Donne mon vieux pioche, mi ça va. Rode mon zoané sans baza. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son farfar les bala. Mon cuisine de bois les gaïa. Avec son farfar les bala. Donne mon gamblon, mi ça va. Rode la soise de l'eau sans dada. Donne mon sombri, mi ça va. Rode un paquet de bois là. Flemme à l'oeil à mon papa, maman zélo qu'est sa baba. Flemme à l'oeil à mon papa, maman zélo qu'est sa baba. Bertel, Ticoc Belaï sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Sybille Boyer et Fabrice Valliamé, les experts de la Caisse d'allocation familiale qui sont avec nous. Et puis alors, évidemment, parce qu'on parlait depuis tout à l'heure de l'allocation de soutien familial, on va vous rappeler quelques informations très importantes. Et puis aussi sur la GIPA, c'est la garantie contre les impayés de pension alimentaire. Donc, à qui s'adresse l'allocation de soutien familial, Sybille Boyer? Alors, l'allocation de soutien familial s'adresse aux familles monoparentales qui élèvent seul leur enfant. Soit l'enfant n'a pas été reconnu, ou le parent, l'autre parent est décédé, ou l'autre parent est insolvable, on dit hors d'état à ce moment-là. Oui. Et la CAF verse une prestation, qui est l'ASF-NR. Ensuite, soit l'enfant a été reconnu et il y a une pension alimentaire qui a été fixée ou il y a une médiation familiale qui a été mise en œuvre. Oui. Si le parent débiteur ne verse pas cette fameuse pension alimentaire, à ce moment-là, la CAF, à la demande de l'allocataire, intervient gratuitement et met en place la procédure de recouvrement. Dans le cadre de la GIPA, on a renforcé ces dispositifs en créant une prestation qui est l'allocation soutien familial complémentaire. Tout simplement pour les personnes qui ont un petit montant de pension alimentaire, exemple 50, 30, 40 euros, oui, ouais. La CAF va compléter. À hauteur du montant de l'ASF qui est de 104 euros. Donc si vous avez 50 euros, vous pouvez faire votre demande au niveau de la CAF pour avoir accès à cette ASF complémentaire et vous aurez globalement 100, une centaine d'euros par enfant. Alors à condition qu'il y ait une décision de justice, hein. À condition pour qu'il y ait que une décision la CAF puisse réagir. Sur le recouvrement, oui. Il faut impérativement qu'il y ait une décision de justice ou une attestation de médiation familiale homologuée par le juge. À ce moment-là, effectivement, la CAF interviendra gratuitement et paiera l'ASF dans l'attente de pouvoir récupérer la pension alimentaire. Fabrice va vous expliquer un petit peu plus que moi ce que c'est une situation de hors d'état et la procédure de recouvrement. La situation de hors d'état, s'il vous plaît, Fabrice Valliamé, pour nos auditeurs. Les situations de hors d'état, il existe beaucoup de situations de hors d'état. Je vais vous citer les plus fréquentes. Hein. Alors, on va commencer par le parent débiteur qui est décédé, par exemple. Oui. Le parent est décédé. Vous avez les enfants qui sont non reconnus. Vous avez les personnes qui perçoivent le RSA, par exemple, ou ou des revenus qui sont inférieurs au minimum de base qui est le RSA. Les personnes qui perçoivent l'allocation adulte handicapé, celles qui sont incarcérées, sauf les personnes qui sont en semi-liberté, qui ne sont pas considérés hors d'état. Vous avez aussi des personnes qui perçoivent généralement l'allocation spécifique de solidarité. Donc ce sont des personnes qui sont déclarées hors d'état par la CAF. Donc ce qui veut dire que l'allocataire ne doit pas engager engager de procédure pour recouvrir une pension alimentaire contre ce genre de parents. Alors j'avais noté autre exemple aussi, c'est si on a recueilli un enfant en fait et celui-ci n'est pas le nôtre. C'est-à-dire on peut percevoir l'ASF. Hein. Voilà, ça s'appelle l'allocation de soutien familial tiers recueillant. Alors le principe c'est que une tierce personne recueille un enfant et cette personne peut percevoir l'allocation de soutien familial avec des pièces justificatives, bien entendu. Ensuite, concernant l'allocation de soutien familial recouvrable, là, c'est qu'on a bien entendu une décision de justice une entente amiable qui a été homologuée par le JAF. D'accord ? Donc là, la CAF met en place les procédures de recouvrement telles que la procédure de phase amiable qui dure 2 mois. Ça correspond à prendre contact avec le parent débiteur pour trouver un accord amiable avec le créancier et le débiteur. S'il n'y a pas d'accord amiable, automatiquement, on passera au mode de recouvrement forcé. C'est-à-dire le paiement direct sur 24 mois, un plan mis en place avec un tiers détenteur de fonds, et la CAF va jouer le rôle de banque intermédiaire. Alors, quelle est la durée du versement d'une pension alimentaire? Oui. D'une manière générale, il n'y a pas de date de fin, d'une manière générale, pour une pension alimentaire. Par contre, il faut surtout voir si l'enfant peut subvenir lui-même par ses propres besoins. Un exemple, un enfant de 22 ans, par exemple, qui est inscrit au Pôle emploi, qui recherche du boulot, automatiquement, sa pension alimentaire, elle est toujours due. Sauf si, au contraire, il a trouvé un travail rémunéré. Mais s'il est en contrat à durée déterminée, ça dépend de ce que dit le jugement. D'accord? Vous avez certains jugements qui vous disent que jusqu'aux 20 ans, donc là on arrête. La plupart des jugements, les jugements les plus récents qu'on voit, c'est que les juges préconisent que l'enfant puisse subvenir lui-même à ses propres besoins. Donc là, la pension alimentaire, tant que l'enfant ne travaille pas, la pension alimentaire est due. Alors, il y a deux moyens de joindre la CAF pour en savoir plus. Vous avez le numéro de la plateforme téléphonique. Je vous donne ce numéro de téléphone. C'est le 0810-25-97-40. 0810-25-97-40. Et puis, alors, le site de la CAF.fr pour avoir tous les renseignements, parce que c'est vraiment facile d'accès et on peut avoir toutes les informations. Alors, autre chose, et on va se quitter là-dessus, c'est que si votre situation a changé. Sybille Boyer, n'hésitez pas à vous rapprocher de la CAF pour signifier que tout a changé. Si votre situation elle a changé, si le papa elle a reconnu l'enfant ou alors qu'il est de nouveau solvable, c'est-à-dire qu'il peut payer la pension alimentaire, il faut le signaler impérativement à la CAF. Parce qu'il y a des contrôles systématiques sur les dossiers et vous pouvez à ce moment-là avoir un indu et rembourser à la CAF. Pareil, quand vous percevez votre pension alimentaire, il faut informer la CAF, le mettre dans votre déclaration trimestrielle de RSA, puisque c'est une prestation qui est prise en compte dans vos ressources. Donc faites très attention à cela pour éviter les situations de contrôle. Sybille Boyer, Fabrice Valliamé, qui étaient avec nous ce matin. Ils étaient donc les experts de la Caisse d'allocation familiale. À très bientôt sur Réunion Première. Merci encore. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Sometimes I get

le cœur pas d'altiné, sans l'amour qui peut grandir. Oh oui l'amour, ton régime, mais ton fait moi trouve quelque chose. Sentiment qui fait prend place, que l'on prenne dans mon cœur. Ton fini, ton mon plus qui aime la vie. Mon cœur pas d'altiné, sans l'amour qui peut grandir. Oh oui l'amour. À l'amour qui rend nous fous tous les jours, qui donne nous l'espoir pour vivre nous la vie. Quand au gars l'âme sert, faudrait pas tout l'agli, pas pour gagner dans la vie. Chérie, donne lui son importance. L'amour ça sert à peine, l'amour ça sert à peine à banguer. Quand nous gagne, nous paie, nous vie c'est sincère. Mais dans la vie, quand nous sincère, l'amour fidèle la peine à banguer. L'amour qui peut grandir, oh oui l'amour, toi visible, mais ton fait moi trouve qui sauce, sentiment qui vit prend place, te l'empreinte dans mon cœur. Toi fini, tout mon plus qui aime la vie, mon cœur bagatini, sans l'amour qui peut grandir, oh oui l'amour. Dominique Barré sur Réunion Première. Il est midi moins 10, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Décès de Madame Veuve Boyer, née Foussane Andrea Suzy. Madame Veuve Boyer, née Foussane Andrea Suzy. Décès survenu hier, à l'âge de 75 ans, domicilié au 2 impasse bois de sable à la Plaine des Palmistes. La veillée se fait à son domicile. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Grondin, née Payette Bertil. Survenu hier à l'âge de 94 ans, le convoi sortira de son domicile au 1 allée des Muguets, au Piton des Goyaves à Petite-Île. C'est prévu donc pour aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église de Montverléau, suivie de l'inhumation au cimetière de Montvert. Décès de Monsieur Robert Jean Simon. Monsieur Robert Jean Simon, décès survenu à l'âge de 50 ans. La veillée se tient à partir de cet après-midi à son domicile, au numéro 84, chemin Ilang-Ilang à Boisneuf-Sainte-Clotilde. La date et l'heure des obsèques vous seront communiquées ultérieurement. Décès de Monsieur Galtier, Joseph Jean-Marie. Monsieur Galtier, Joseph Jean-Marie. Décès survenu aujourd'hui à l'âge de 58 ans. La veillée a lieu à son domicile au numéro 159, route de la Passerelle à Saint-Joseph. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Zit Ne Chan Yav. Madame Zit Ne Chan Wei, Adèle Carmen, domiciliée au numéro 91 rue Antoine Roussin à la baie Saint-Paul. Décès survenu à l'âge de 98 ans. Décès survenu aujourd'hui. La veillée se tient à la salle mortuaire de Stella à Portail, Piton-Saint-Leu. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Monsieur Abrousse Jean-Marc, domicilié à Saint-Pierre. Monsieur Jean-Marc Abrousse, décès survenu à l'âge de 62 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud aujourd'hui à 16h, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Pierre à 17h. Décès de Madame Gontier France May. Madame Gontier France May, décès survenu à l'âge de 82 ans. Le convoi sortira de la chapelle ardente du Tampon aujourd'hui, mardi 13, à 14h. La bénédiction aura lieu en l'église du Tampon à 15h, suivi de l'inhumation au cimetière du Tampon. Décès de Madame Veuve, Radio-Céphane et Maillot, Marie-Paulette, Madame Veuve, Radio-Céphane, née Maillot, Marie-Paulette, décès survenu à Saint-Gilles-les-Bains à l'âge de 76 ans. Une veillée aura lieu le jeudi 15 septembre à partir de 11h30 au centre funéraire de Prima. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima vendredi 16 à 14h15. La bénédiction se fera en l'église de la Possession à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de la Possession. Et décès de Monsieur Dijoux Lucet. Monsieur Dijoux Lucet, décès survenu à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira aujourd'hui à 14h30 au 33 chemin tournant à la rivière Saint-Louis. La bénédiction se fera à 15h en l'église de Notre-Dame du Rosaire. L'inhumation suivra au cimetière de la rivière Saint-Louis. Décès de Monsieur Rivière Georges Marcel. Monsieur Rivière Georges Marcel, décès survenu à l'âge de 80 ans, le convoi sortira de son domicile au numéro 13, rue Eugène Daillot, au port. Aujourd'hui à 13h30, la bénédiction se fera en l'église de Saint-Yves à 14h, suivie de l'inhumation au cimetière de la rivière Saint-Louis. Décès de Monsieur Merion André Marc Di Marco. Monsieur Merion, André Marc, domicilié au numéro 1, chemin Blémier, appartement 3, résidence 3 Trésors à Sainte-Anne, décès survenu à l'âge de 72 ans. Le convoi sortira de la salle Frandès et Bénédictine de Saint-Benoît. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction se fera en l'église de Sainte-Anne à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Madame Téchère Daniel Annie Gisèle. Madame Téchère Daniel Annie Gisèle, décès survenu à Saint-Paul à l'âge de 46 ans. Un discours biblique aura lieu le vendredi 16 septembre à 13h30, suivi de la crémation au centre funéraire de Prima. Décès de Monsieur Défaut Henri Paul. Monsieur Défaut Henri Paul, domicilié à Saint-Louis, décès survenu à l'âge de 72 ans. Le convoi sortira du centre funéraire sud aujourd'hui, mardi 13 à 13h30, suivi de la crémation centre funéraire de Prima à 15h. Et le décès de Monsieur Coré Jean-Fred Martin. Monsieur Coré Jean-Fred Martin, décès survenu à l'âge de 68 ans. Le convoi sortira aujourd'hui à 15h en la chapelle ardente du Tampon. La bénédiction se fera à 15h30 en l'église du 14e kilomètre au Tampon, suivi de l'inhumation au cimetière du Tampon. Réunion première présente aux familles endeuillées, ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Le maire de la Plaine des Palmistes qui informe ses abonnés de la rue Lalouès qu'une coupure d'eau est prévue à partir donc pour aujourd'hui jusqu'à la fin des travaux. Donc depuis ce matin, il y a cette coupure, ne soyez pas étonnés. Il compte notamment sur la compréhension de tous. La paroisse de Petite-Île qui vous invite à la fête de la Croix Glorieuse sur la colline du Calvaire, c'est pour demain, mercredi 14. C'est à 9h avec l'accueil, donc la prière du chapelet et puis la messe solennelle à 10h30. Le chapelet suivi du chemin de croix à 15h. Veolia qui informe les clients de la commune de la Possession qu'en raison des travaux sur le réseau, l'alimentation sera interrompue à partir de 9h demain, mercredi 14, pour les secteurs suivants sur la Possession. Avenue de Port-Louis, chemin des Latanier, rue Alexandre Dumas, la rue José Marti. Et puis, c'est ce communiqué notamment de l'ADN, l'association ADN 974 et la Mutualité de la Réunion, qui vous informe que des dépistages du diabète auront lieu le mercredi 14 au marché forain du port et le jeudi 15 avec la Cémadère à la Possession. C'est dans le quartier de la Ravine-la-Fleur. Et puis, les collectes de sang de l'EFS prévues pour demain mercredi 14, c'est à la médiathèque de Saint-Benoît, c'est de 8h à 12h30. Et puis, à l'école de la Mare à l'Entre-deux, c'est de 8h. À midi.